Bienvenue. Bonsoir, bienvenue à Terra Incognita. Michel et Bruno, ce soir jusqu'à minuit, deux bonnes heures de musique progressive. Pas mal de nouveautés ce soir, et puis je pense que ça va faire le bonheur de tout le monde. On va commencer tout de suite avec une nouveauté qui nous arrive d'Allemagne. En fait, le disque n'est pas encore officiellement sorti en mars. C'est le nouveau RPVL, ou RPWL selon la prononciation, qui a pour titre « Tales from Outer Space ». On va avoir bien d'autres choses ce soir, donc installez-vous confortablement pour deux bonnes heures de prog. Thank you. sailing across the seas, challenging no belief, tied to the mast too long, siren sing silent song.

certains points de ressemblance avec quelques liens de familiarité avec Genesis, le groupe encore de Norvège 35 Tapes de l'album Lost and Found qui doit paraître fin mars. Donc, on est pas mal en avance. Cherchez-le pas tout de suite. 35, mais c'est vraiment une belle surprise qui nous arrive de Norvège, le 35 Tapes. Et on avait amorcé avec RPVL, Tales from Outer Space. Pour RPVL, c'est un retour un peu au son que les amateurs préfèrent, je pense, de ce groupe-là. Le Wanted est un petit peu un plus rock. Là, ils reviennent au son qu'ils ont leur marque de commerce, finalement, le RPVL. Un excellent disque, donc Tales from Outer Space. Avant d'aller faire un tour encore en Norvège, je vous rappelle qu'on est en période de pré-radiothon. Ça, c'est jusqu'au 29 mars. Vous pouvez faire des dons pré-radiothon de 20$ et plus, prendre votre carte de membre, et puis, mais vous pouvez faire le tout par service sécurisé PayPal sur notre site, ckrl.qc.ca. Vous pouvez venir en personne sur les heures de bureau au 405 de la 3e avenue ou téléphoner au 418-640-2575. C'est le poste 201. Je vous parlais de Norvège. On y va avec moi un groupe que j'aime beaucoup, malgré comme un de mes amis me disait, probablement dans le top 10 des plus mauvais noms de groupe, Professeur Tip Top. C'est leur nouveauté, Hybrid Hymns, et c'est un pur délice. Donc, on y va avec Professeur Tip Top. Yes. siste stopp på, vi venter på at det skal åpnes en dør. Håret vårt blir fullt av støv. Huden tørker inn. Vi brenner dinosaurblod. Himmelen purpur og gyllen blå. Skal vi snart komme hjem? Vi har det kommet for oss.

qu'on a entendu tout juste avant les pubs. La dernière pièce était du groupe Kane Hill, de l'album Kill the Sun. Il y avait aussi Mark Deutrum, de l'album de Bluebird, c'est la pièce avec le mélotron. Là. Et c'est le professeur Tip Top qui précédait, là, la pièce très flodienne là, avec la guitare à la David Gilmour. Ça, c'était Professeur Tip Top de leur tout nouvel album Hybrid Hymns. Et en fait, j'en ai mis deux. Il y a eu celle-ci là, avec la guitare à la Pink Floyd. Il y avait, entre les deux, il y avait un autre groupe norvégien qui a pour nom Glutton, Glutton, de l'album Outliers. C'est un groupe que je viens de découvrir. C'est la pièce qui commence avec des chœurs chantés en norvégien. Là. C'est assez spécial, ça. Je vais me le taper une couple de fois cette semaine pour le découvrir comme il faut. Mais cette pièce-là m'a accroché tout de suite. Et puis, on avait donné le coup d'envoi, comme je disais, avec Professor Tip Top, Hybrid Hymns. Excellent nouvel album. Et maintenant, je pense qu'on est mûr pour aller faire un petit tour du côté de l'Italie. Les gens doivent me dire, ben oui, on n'a rien entendu de l'Italie encore cette semaine. Eh bien non, il y en a. Et puis c'est un jeune groupe qui roule sa bosse depuis peu. Un premier album qui a pour titre Overture, et c'est le groupe Overture. On écoute un premier extrait. Je pense qu'on va dans les semaines qui vont venir, vous allez en entendre d'autres, parce que c'est un groupe prometteur, très prometteur même. Donc, ça nous vient d'Italie. Le temps de vous rappeler que c'est toujours Terrain Incognito. On est avec vous jusqu'à minuit, Michel et Bruno, sur les ondes de CKRL 89.1. Venuti inferni.

sembra fermarsi, leggero e silente, come una nuvola, un punto nello spazio si allarga la mia vela, il mio respiro si fonde. Yeah. aperte sul mare. Per un qualche involontario equivoco c'è uno scambio di identità. Ci sono stati momenti nella nostra storia, momenti veri, poi un giorno tornammo estranei, indifferenti. Voglio capire, voglio cambiare le leggi della mia morale. E questa fragilità e questa maschera è una farsa. La mia faccia in un meccanismo che ci rende sterili. Cercavi il deserto e ce l'hai dentro. Stavi meditando sulla soluzione. Come può la vita darti ciò che chiedi? Deserto dell'anima, dentro di me un deserto, dentro di me un deserto. Su vedo dovunque gli orizzonti del mare, e soltanto un oceano libero le mie ali rafforzerò. All'improvviso lontano appare terra ferma, e la sorvolo, riposerò le mie membra giusto per la notte. Mi sento solo, ho abbandonato la vita ormai da troppo tempo. E senza averne un'idea, ma rassegnandomi a starne fuori, ci sto dentro. Non mi ero accorto che bastava vivere. Avevi allontanato chi ti stava accanto, come se stare bene fosse stare male. Non ti resta che il tuo spirito inaridito. Oh, deserto dell'anima, dentro di me un deserto, dentro di me un deserto. se mi allontano di più. Sto attraversando il mio deserto. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. C'è uno scambio di identità, tornando e strano. Mercredi à la Korrigan, on perce un casque. Une expérience unique chaque semaine. Venez déguster avec nous une bière exclusive servie à la façon traditionnelle anglaise. Notre brasseur vous en mettra plein les papilles. La Korrigan, portée par notre passion. Ce week-end, au Dauteuil. Jeudi, le comité vous fera danser sur un répertoire allant des Beatles à The Black Keys. Gratuit pour les étudiants. Vendredi, Jukebox Productions, en collaboration avec le Carnaval de Québec, vous présente la 10e édition de Forever. Une soirée avec 10 DJ de styles variés, avec des jeux de lumière et d'effets spéciaux à couper le souffle. Samedi, 21h, hommage à Metallica avec Alcolica. Et dimanche, nouveau rendez-vous des mélomanes et des amateurs d'expérimentation musicale. Open Jam, contribution volontaire avec House Band. Le Dauteuil, 228 Saint-Joseph-Est. Plus de détails sur ledauteuil.ca. Terra Incognita, de retour. Oui, on parlait d'Italie tantôt. Effectivement, on a eu une belle demi-heure de prog italien. Le dernier à conclure le bloc, c'était un groupe que je viens de découvrir. C'est leur deuxième album. Le groupe s'appelle Seldon, S-E-L-D-O-N. C'est un personnage créé par un écrivain de science-fiction, le Isaac Asimov. Et c'est leur deuxième disque pour titre Per Quale Sentiero. Un mélange, il y a un petit côté punché, mais on reconnaît évidemment la touche italienne et les claviers que j'adore dans cette pièce-là. Il y avait tout juste avant Femme. Bruno, il me met au défi de le prononcer. En italien, là, c'est la Forza Electromotrice. De leur premier essai, je sais que Marc en a mis du premier, ben, ou Jean-François, la semaine dernière aussi, en a mis, je pense. Mais là, c'est leur premier essai qui s'appelle Epsilon. C'était la pièce Mezzo del Cielo. Et on avait donné le coup d'envoi avec Overture, de l'album Overture, un autre groupe italien, des jeunes cette fois-ci, et c'est très prometteur. dernière demi-heure ensemble. Donc, bon, je pense qu'on va retourner en Norvège, puis on va faire un petit clin d'œil aussi à l'autoroute qui s'en vient. C'est un groupe norvégien qui a été beaucoup actif au début des années 70, et puis il y a une maison qui a décidé de rééditer leurs albums. Donc ça, c'est le premier qui vient d'être réédité, qui a pour titre « Newborn Day ». C'est paru en 73, donc ça fait un petit bout. Le groupe a pour nom Rufus. Et c'est... Il y avait quelques groupes norvégiens au début des années 70, comme ça, le Rufus, Aunt Mary, et puis bon, quelques autres qui m'échappent. Il n'y en avait pas une tonne. Mais en tout cas, ça va vous donner une idée de ce qui se passait en Norvège au début des années 70. Donc, c'est une réédition, Rufus Newborn Day. And the lives we run out in a storm. Look at Mother Earth, she's laying there cold, waiting for World War III. I wish we could avoid it and get another hold of the way we all know it should be. We'll be right back. touch of a blowing wind. The storm is over, still you got your skin. Breathe the air and you feel the grass. It's like morning above the stars. Clouds above us are filled with rain. The sun. Thank you. Someone pulled my life from the end.